suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Voyage au centre de la Terre, une série de Michel Pomared, réalisée par François Test. Au départ de cette série, alors que gronde aux Philippines le volcan Taal, il y a une traversée du magma en fusion à la surface terrestre, en passant par les sols empoisonnés par l'exploitation des mines d'or, la dépollution et les cratères des volcans. Alors pour commencer, les personnages. Une chercheuse exploratrice, un chercheur qui fait parler la roche, un physicien qui observe les volcans actifs, un scientifique qui prédit, un géologue qui veille sur les centrales et un directeur en alerte. Ensuite, le décor. Mayotte, la Drôme, des séismes, Clermont, des basanites, des crépitements, le piton de la Fournaise, l'Islande, des avions au sol, des panaches de fumée, la mer, un zeste de risque nucléaire et des failles. Aujourd'hui, troisième épisode, on écoute une archive. Voyage au centre de la Terre. Dans les ruelles désertées, des morceaux de pierre jonchent toujours le sol. Michel Pomared, François Test. Les secours bloquent les accès aux maisons de ce quartier, sur les hauteurs du Teil. Volcans et séismes, stupeur et tremblement. Un séisme de magnitude 5,1 a frappé mardi la capitale de l'Équateur, Quito. Deux personnes ont été tuées. Il s'agit d'ouvriers qui travaillaient dans une carrière située aux alentours de la capitale. Ah mon Dieu ! C'était il y a presque un an, au mois de juin. La terre de Mayotte tremble, encore une fois. Depuis le 10 mai dernier, l'île a connu près de 2000 secousses, jusqu'à 5 par jour. Des séismes dits en essaim, dont l'origine vient d'être enfin découverte. La naissance d'un volcan sous-marin, dans les profondeurs de l'océan Indien, à 50 km des côtes de Mayotte. Tremblement, c'est le 11 novembre 2019, quand un séisme d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans la Drôme. Pourtant classé comme modéré, il fait partie des plus forts de ces 20 dernières années. Stupeur, c'est l'émotion ressentie dans la communauté des vulcanologues français quand le 15 mai 2019, ils ont découvert à 50 km des côtes de l'île de Mayotte un énorme volcan à 3000 mètres de profondeur. Retour en détail sur ces événements. La scène se passe le 15 mai 2019 dans l'océan Indien au large de l'île de Mayotte. Une mission scientifique a été lancée à la suite des déformations du sol et de secousses sismiques atteignant 5,8 sur l'échelle de Richter. Et que découvrent les scientifiques lancés donc dans cette mission, Carole Barthaud? Vous qui êtes post-doctorant ici à Clermont-Ferrand, au laboratoire Magma et Volcans. Eh bien, au bout d'un an, à la suite d'une campagne océanographique, ils découvrent un volcan qui fait 800 mètres de haut et avec une base de 5 km de diamètre. Large comme la moitié de Paris et deux fois haut comme la Tour Eiffel. C'est ça. Et cette éruption, ce volcan, c'est la plus importante émission de lave sur Terre depuis 1783. Oui. Donc c'est un événement incroyable. C'est incroyable. Donc c'est juillet 2019. 2019, c'est ça. Vous partez sur place. C'était quel type de bateau et pourquoi faire? Alors c'était le Marion Dufresne. Donc c'est un bateau qui appartient au TAF, aux Terres Australes Antarctiques Françaises. Et ce bateau, en fait, d'habitude, il sert à ravitailler toutes les îles des Terres Australes. Donc on a les Kerguelen, on a le Crozet... Là, en fait, on a eu de la chance, il était sur La Réunion et sur Mayotte, et donc on a pu le solliciter pour faire cette mission-là. À bord, il y avait qui? À bord, il y avait une quarantaine de scientifiques du BRGM, de l'IPGP, l'Institut Physique du Globe de Paris, de l'IFREMER, du laboratoire Magma et Volcans, et c'est déjà pas mal. Des fois, la recherche, ce n'est pas forcément concret. On travaille sur des volcans qui ne sont pas toujours actifs pour comprendre ceux qui le sont. Et là, c'est concret. C'est quoi votre mission? L'objectif, c'est de draguer le volcan, d'échantillonner le volcan. Ça veut dire qu'on a un panier en fer. On le descend à 3000 mètres de profondeur et on racle la partie du volcan. Et alors, quand vous remontez, il y a quoi? Il y a entre 500 kilos et une tonne de roche. C'est une roche sombre, avec de nombreuses vacuoles. Donc plein de petits trous. Plein de petits trous, c'est ça. Petits trous qui sont très brillants. Mais cette roche, c'est quoi en fait? C'est quoi la roche? C'est du basalte, c'est quoi? C'est du basalte, c'est ça. Alors pour être exact, c'est des basanites et des téphrites. Elle est rainurée, cette roche? Oui, elle est litée. C'est ce qu'on appelle des litages. Et ça, c'est dû à tous les processus qui se produisent dans la chambre magmatique. Donc en fait, cette roche, elle a enregistré la convection, la cristallisation, etc. Et de remonter cette roche-là, qu'est-ce que ça dit de la vie du volcan en dessous? Alors, grâce à ces roches, on va avoir une information sur le système magmatique qui a permis à ce volcan de grandir. Carlo Berto, là, on est toujours à bord du Marion Dufresne. Oui. Ça, c'est le capitaine. Oui. L'image d'après, c'est quoi ça? C'est le panier de la ménagère qui a fait du dragage dans les profondeurs? Ça, c'est une drague qui nous a permis de collecter les roches du volcan. Et donc, ces roches, elles arrivent, elles sont inertes ou elles sont pleines de vie encore? Et non, en fait, elles explosent, elles crépitent. En anglais, c'est quoi? C'est des popping rocks. Et en fait, une fois qu'elles arrivent à la surface, le gaz s'échappe et ça fait exploser les échantillons. On a des morceaux qui, parfois, ils sont sur la table et d'un seul coup, tac, ils explosent. Ça part de tous les côtés. Mais là, c'est une roche vivante, en fait. Oui, elle bouge encore. Je sais pas si on va... Mais on entend, hein, si... On entend un peu que ça crépite. Donc on a fait du coup des dragages pour récupérer des roches du volcan. On a fait ce qu'on appelle de l'AUV, c'est en fait un sous-marin qui est autonome et qui nous a permis de cartographier certaines zones. On a fait aussi du scampi, c'est une petite cage avec une caméra qui nous a permis d'aller voir comment c'était à 3000 mètres de profondeur. On a fait ce qu'on appelle de la CTD, conductivité température DEF, je crois, qui nous a permis aussi d'avoir la composition de la colonne d'eau. Donc là, c'était des prélèvements, par exemple, tous les 100 mètres, pour avoir la température, la conductivité, le pH, la composition des gaz. Et enfin, bien évidemment, de la bathymétrie, ce qui nous a permis de cartographier la zone entre le volcan et l'île. Affaissement de 15 cm de l'île de Mayotte en profondeur, donc tout doucement, pas comme un ascenseur qui dégringole. Est-ce que ça a eu une conséquence concrète et directe pour la population? Est-ce que le niveau de mer a augmenté? Est-ce qu'il y a eu des effets, on pourrait dire, presque collatéraux de cette éruption? J'en sais rien. Je sais qu'il y a eu des inondations il y a quelques mois. Est-ce que ça a été amplifié par cette subsidence? Je sais pas. C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que 15 cm, c'est pas négligeable et ça peut avoir des conséquences, ça c'est clair. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en situation d'urgence. Donc il faut produire des données le plus rapidement possible et essayer de comprendre ces données le plus rapidement possible, ça c'est sûr. Donc les analyses qui sont faites, elles sont faites en priorité presque. L'objectif est de comprendre ce volcanisme dans cette région pour justement savoir qu'est-ce qui va devenir. Et puis aussi de gérer en quelque sorte la crise au point de vue local et donner des informations à la population. Parce qu'on a des séismes qui sont ressentis toutes les semaines. Hein, donc il faut rassurer les gens, leur expliquer ce qui se passe. Est-ce qu'on peut se dire que ce volcan n'en a pas fini de couler et de produire une éruption et peut-être potentiellement des dégâts sous-marins? Des dégâts, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que l'activité sismique, elle est toujours là. Donc normalement, l'éruption est toujours en cours. Il faudra aller vérifier. À combien cette activité sismique? Pour l'instant, on a quelques centaines de séismes sur 2 semaines. Je crois que c'est 500 séismes. Sur l'échelle de Richter, ils sont à combien? Ils sont inférieurs à 4 et il y en a beaucoup qui sont situés entre 1 et 3. Donc il y en a quelques-uns qui sont ressentis par la population. Sur les 15 derniers jours, il me semble qu'il y en a 5 ou 6 qui ont été ressentis. Ce travail va vous accompagner combien de temps? encore quelques années normalement. Ça va dépendre si l'éruption s'arrête, elle peut s'arrêter à tout moment. Mais là, on est parti pour quelques années, ça c'est sûr. Simon Thivet, vous aussi, vous travaillez au laboratoire Magma et Volcan ici à Clermont-Ferrand. Mais vous, votre centre d'intérêt, c'est le Piton de la Fournaise à La Réunion, dont on peut regarder sur votre écran, là, d'ordinateur, une éruption. Je pense que cette vidéo a été prise, je dirais, une centaine de mètres des bouches éruptives, peut-être 150. C'est la distance dans laquelle, de toute façon, nous, on va travailler pour récupérer les échantillons. Il y a des mesures de sécurité à prendre, dans tous les cas. En vidéo, j'ai beaucoup de photos, mais en vidéo, j'ai... Là, peut-être c'est un peu différent. On est en 2020. En 2019, il y a eu 5 éruptions sur le Piton de la Fournaise. Est-ce que c'est une activité normale ? Alors, le Piton de la Fournaise, c'est un volcan relativement actif, un des plus actifs sur Terre actuellement. Entre 2010 et 2014, on n'a pas eu d'éruption. En 2014, on en a eu une. En 2015, justement, on en a eu 4. Puis depuis cette période, on a eu l'habitude d'en avoir au moins 2 ou 3 par an. Là, 5, on est sur la limite un petit peu supérieure. Alors là, du coup, c'est le premier jour d'éruption. Au Piton de la Fournaise, les éruptions sont généralement provoquées par l'ouverture de la roche et le magma va se propager à travers une fracture. Et à la surface, cette ouverture de fracture va se matérialiser par une fissure éruptive. Donc c'est l'ouverture d'un filon de magma sur plusieurs centaines de mètres. En l'occurrence, ici, c'est à peu près 800 mètres. La couleur des roches et du magma. Le magma, il faut savoir, c'est composé d'un liquide magmatique, donc une roche fondue, de solide, donc ce sont des cristaux qui cristallisent au fur et à mesure que le magma va remonter à travers l'édifice volcanique, et aussi de gaz qui va être le moteur vraiment des éruptions. La proportion du liquide magmatique en début d'éruption est importante et va donner cette couleur caractéristique orange, parfois rouge, très incandescente. Donc la nuit, on le voit encore beaucoup mieux. Là, on peut voir des photos qui ont été faites à bord d'un hélicoptère, qui est souvent le cas à l'observatoire, pour nous permettre vraiment d'accéder à des zones proximales. Donc une fois que le magma refroidit, la couleur va devenir très noire. On peut avoir des choses très dorées aussi, des choses qui sont très riches en liquide magmatique qui a été peu cristallisé. On va voir cette couleur un peu dorée qu'on peut voir sur certains échantillons. Le magma, c'est quoi la température ? Vraiment, au cœur du magma, on va avoir des températures qui vont osciller entre 1100 et 1150 degrés. Cette température va très vite baisser. En fait, une fois que la lave va s'épancher à la surface, au contact de l'air et au contact de la roche froide du volcan, elle va très vite baisser. Donc on peut mesurer aussi les températures qui vont de 700 à 800 degrés en surface de coulée de lave. Les gaz éruptifs, c'est toxique ? Alors les gaz éruptifs peuvent être très toxiques dans une certaine quantité. Au Piton de la Fournaise, il faut savoir que les gaz initialement contenus dans le magma ne sont pas très très très concentrés par rapport à d'autres volcans. Mais il peut arriver certains moments où on va vraiment s'approcher au plus près de l'éruption. Il va falloir mettre un masque à gaz pour se protéger parce que notamment le soufre va commencer à irriter les yeux, le nez et la gorge. Donc ça peut être un peu problématique, mais avec des masques à gaz, ça reste viable au Piton de la Fournaise. Sur d'autres volcans, ça n'est pas le cas. Mais vous disiez, Simon Thivet, il y a des touristes qui s'approchent, mais vous êtes à combien de... Nous, ça dépend. On peut être pour ce qui est de l'échantillonnage de lave, on va attraper la lave avec un bâton en acier qui mesure à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Simon Thivet, le titre de votre thèse que vous avez soutenue le 29 novembre dernier, c'est quoi ? Alors, c'est les dynamismes éruptifs et mécanismes associés en contexte basaltique. Et cette thèse est plus particulièrement focalisée sur l'étude du Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion. Donc, qu'est-ce que vous, jeune doctorant en 2019-2020, apportez de nouveau à l'étude du Piton de la Fournaise qui a déjà été étudiée depuis des lustres ? Là, du coup, avec ma thèse, on va pouvoir un peu mieux se focaliser sur l'étude des produits éruptifs qui sont émis lors des éruptions. On va surtout étudié la texture des roches. Donc quand j'entends texture, c'est vraiment la taille, la disposition des cristaux, des vésicules qui sont à l'origine des gaz, du magma. Donc ça on va vraiment essayer d'étudier ça pour faire parler la roche et vraiment essayer de comprendre les mécanismes à l'origine des éruptions, des différents types d'éruptions. On va aussi corréler ces données-là avec les données de l'observatoire. Majoritairement, on va regarder la déformation du volcan, donc la déformation qui va s'activer lors d'un nouveau flux de magma en profondeur, par exemple. On va regarder aussi le dégazage entre les éruptions, parce que les gaz volcaniques vont dégazer à la surface constamment, même s'il n'y a pas d'éruption. Et on va regarder aussi la sismicité, pour voir un petit peu aussi, essayer d'anticiper les éruptions et voir quel type de mécanismes sont à l'origine du transfert des magmas au sein de l'édifice. Juste derrière vous, oui. Sur ce petit meuble, à côté d'une boîte Lipton 3 fruits rouges, oui. Un piolet et des roches. Ouais. Quelles roches ? Alors, c'est des roches qui viennent un peu de partout. C'est très diversifié. Alors, bien sûr, il y a des roches volcaniques qui viennent du Piton de la Fournaise. Lesquelles ? Alors, c'est les roches les plus noires, en fait. C'est les roches les plus... c'est celles-ci qui sont un peu plus légères que les autres. Parce que c'est vraiment une caractéristique de ces roches-là, qui sont plutôt vésiculées, très foncées, donc ça c'est dû à leur composition chimique, qui est basaltique. Ensuite, on a des roches qui viennent d'Islande, des volcans islandais. Pierre Boivin disait que quand il regarde une roche, il regarde une histoire. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? Complètement, oui. Pour moi, on va essayer de faire parler la roche du moment où elle se forme jusqu'à où elle arrive à la surface. Donc là, il peut se passer plusieurs dizaines de kilomètres, donc à partir du manteau jusqu'à la surface terrestre. Donc oui, on va regarder l'histoire de la roche pour mieux comprendre justement les processus. Le nuage a déjà atteint 6000 mètres d'altitude et s'étend désormais bien au-delà du ciel islandais. Des centaines et des centaines de kilomètres d'une épaisse fumée noire que crache inlassablement ce volcan. Il est entré en éruption mercredi. Situé au sommet d'un des plus grands glaciers d'Islande, il a provoqué quelques séismes, mais surtout de graves inondations. La fonte brutale des glaces a submergé cette route et isolé les habitations alentour. 800 personnes ont été évacuées, hébergées dans l'urgence dans ce centre d'accueil de la Croix-Rouge. Tous se demandent aujourd'hui combien de temps l'éruption va encore durer, ce que les spécialistes eux-mêmes ont du mal à évaluer. Mathieu Gouillet, vous êtes physicien associé ici au laboratoire Magma et Volcan à Clermont-Ferrand. Mais vous travaillez aussi à cheval sur deux structures. Racontez-moi un petit peu. Oui, exactement, c'est ça. En tant que physicien adjoint, la première particularité de ce statut, c'est que mon temps de travail est divisé en trois. Je suis chercheur, je suis enseignant, mais j'ai aussi une activité statutaire, donc obligatoire, d'observation. Et en l'occurrence, moi, mon service d'observation, c'est la surveillance, l'observation des volcans actifs par télédétection spatiale. De manière un peu plus concrète, le travail quotidien, quand il y a une éruption, c'est d'essayer de donner cette information le plus précisément possible aux décideurs, aux observatoires et à Météo France, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de où se situe le panache, si possible, s'il est très concentré, pas concentré. Et l'objectif, bien sûr, c'est de fournir ces informations pour dévier la trajectoire des avions, et ça en temps réel, puisque tout va très très vite. Donc ici, on est au laboratoire Magma et Volcan. Il y a aussi un autre laboratoire qui s'appelle le LAMP. Le LAMP, c'est quoi ? Alors, le LAMP, c'est le deuxième laboratoire de l'Observatoire de physique du globe de Clermont. Donc, ce laboratoire, le LAMP, c'est le laboratoire de météorologie physique. Donc, il est dédié à toutes les études atmosphériques, les gaz, les particules. Et on a cette chance structurelle ici qu'à l'Observatoire, on ait ces deux entités, le LMV qui concerne tout ce qui est terre solide et le LAMP qui concerne tout ce qui est atmosphérique. Et moi, en l'occurrence, dans ma recherche, mais aussi dans mes observations, je suis à l'interface entre terre solide et atmosphère, et on bénéficie vraiment de cette interaction géographique et puis thématique avec ces deux laboratoires. Est-ce qu'on pourrait dire en résumé, Mathieu Gouillet, que votre travail, c'est d'établir des données que vous transmettez au VAC, soit à Toulouse, soit à Londres. Et le VAC, c'est le Volcanic Ash Advisory Center, un centre de prévision des trajets des panaches de fumée dus au volcan. En quelque sorte, c'est ça. La Terre est découpée en une dizaine de VAC, donc des zones d'intérêt. Chaque institut météorologique se sont divisé le globe comme ça. Et le VAC de Toulouse a une zone extrêmement vaste qui va du Piton de la Fournaise à La Réunion, les volcans italiens, les volcans des Açores, du Cap Vert. L'Islande, en l'occurrence, c'est sur le territoire du VAC de Londres. Donc on sait depuis 2010 que les émissions des volcans islandais peuvent impacter le territoire métropolitain. Donc ça intéresse évidemment aussi le VAC de Toulouse. Bienvenue dans ce journal. Des milliards de particules projetées dans le ciel et c'est le transport aérien qui se grippe. L'éruption volcanique en Islande a donc quasiment paralysé le trafic en Europe du Nord aujourd'hui. La France est directement concernée. On va y venir dans un instant. On verra aussi pourquoi les avions doivent rester au sol. Donc le VAC de Londres, c'est lui qui a traité l'éruption donc, de ce volcan au nom imprononçable en Islande qui avait arrêté quasiment le trafic aérien en Europe pendant un certain temps. Celui de Toulouse, il a travaillé sur l'éruption de l'Etna récente pour dévier aussi les avions. Et ça, c'était pas il y a 10 ans, c'était il y a quelques mois. C'était il y a quelques mois, exactement. On a eu l'éruption de Noël, hein, comme je l'appelle, celle du 24 décembre 2018 à l'Etna, où là, on a eu l'éruption décennale, on va dire, qui a une intensité qui n'arrive qu'une fois tous les 10 ans, avec beaucoup de lave, mais aussi beaucoup de cendres, puisqu'on a eu un beau panache qu'on a pu observer ici à Clermont-Ferrand sur nos écrans. Et ces données ont servi, entre autres, à alimenter les modèles de prédiction du VAC de Toulouse, donc de Météo France, qui prédisent à plus 6, plus 12, plus 18 et plus 24 heures la trajectoire future du panache de cendres. Et pour ça, pour contraindre leurs modèles, ils ont besoin de nos données satellites. Alors, concrètement, comment vous faites et montrez-nous alors, votre travail. Ça, c'est une interface web SIG, c'est-à-dire système d'information géographique, où l'utilisateur peut interagir directement avec cette interface. Alors ici, on voit un planisphère, hein, typiquement, avec ici la zone d'intérêt que l'on surveille. Et si justement, je vais voir le cas de l'éruption de l'Etna en 2018, 24 décembre 2018, sur cette interface, on voit très bien la trace du panache ici, que l'on obtient ici en temps réel. Donc en temps réel, qu'est-ce que ça veut dire? On utilise un satellite géostationnaire, donc ceux qui sont le plus loin, et qui nous donne l'information à la plus haute fréquence possible. On a une image toutes les 15 minutes. Donc là, on est vraiment pertinent pour faire de l'opérationnel. Et vous voyez ici, on a la trace du panache. Donc, on voit qu'il part vers le sud-est. Et ça, c'est fondamental déjà, puisque l'aéroport international de Catane se trouve au sud-est de Catane. Donc là, on a ces informations déjà de localisation. Mais ce que vous pouvez voir ici avec la palette de couleurs, c'est le niveau de concentration dans le panache. Là, on voit qu'on monte dans des teintes bleutées, c'est-à-dire aux alentours de 5 grammes par mètre carré. Et ça, encore une fois, c'est fondamental, puisqu'il y a des seuils depuis 2010 qui ont été donnés, des seuils de concentration au-delà duquel les avions n'ont pas le droit de voler. Et on est aujourd'hui à 4 mg par mètre cube. Au-delà, un avion ne peut pas traverser. Le volcan Etna est entré en éruption lundi 25 décembre 2018, en crachant une importante colonne de cendres, obligeant à fermer l'espace aérien aux alentours, tandis que la zone du volcan sicilien était secouée d'une multitude de petits séismes. En raison du manque de visibilité, une grande partie de l'espace aérien autour du volcan a été fermée. À l'aéroport de Catane, dans l'est de l'île italienne, seules 4 arrivées par heure étaient autorisées lundi dans l'après-midi. Mathieu Gouillet, imaginons le scénario catastrophe suivant. Vous avez envoyé le bon message à la bonne personne, mais le pilote dans son avion n'a pas eu la carte détaillant que, par exemple, il peut pas aller à Catane parce que l'Etna est en train d'envoyer des panaches assez conséquents. L'avion traverse ce panache. Qu'est-ce qui peut lui arriver ? Alors, ça va vraiment poser des problèmes, hein, bien sûr, en fonction du niveau de concentration en cendres dans le panache. Mais les premiers problèmes qu'on va rencontrer, c'est de l'abrasion mécanique. Abrasion mécanique sur les pièces de l'appareil, et notamment toutes les pièces de télécommunication, hein, ce qui permet de communiquer avec la tour de contrôle entre avions, mais aussi les pièces qui fournissent des informations, les instruments qui donnent des informations sur la vitesse de vol, l'altitude. Donc on comprend bien que si ces pièces sont lésées, ça peut être dramatique pour le pilotage même de l'avion. Et puis, si l'avion traverse trop longtemps le panache ou des zones trop concentrées, eh bien alors là, scénario catastrophe, il peut y avoir bien sûr de l'abrasion de par les cendres volcaniques dans le réacteur, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces cendres volcaniques fondent à des températures relativement basses, des températures que l'on retrouve dans les réacteurs d'avion, si bien que les cendres eh bien, vont fondre à nouveau dans le réacteur, un peu comme si on retrouvait du magma, en quelque sorte, dans le réacteur de l'avion. Donc là, avec les problèmes que ça peut induire, évidemment, d'arrêt de l'appareil. La température d'un réacteur en vol, c'est combien de degrés? Et une cendre volcanique, ça fond à combien? Eh bien, à l'intérieur, vraiment au cœur du réacteur, on est supérieur à 500 degrés, hein, alors que les premières gouttes de liquide générées par ces cendres vont être à des températures un petit peu inférieures à 500 degrés. À partir de 400 degrés, on commence à faire des liquides de magma et donc forcément à être en fusion à l'intérieur. Donc gros dégâts, arrêt, voire explosion du réacteur. Et arrêt du réacteur, c'est quelque chose qu'on a vu déjà plusieurs fois. Par chance, au jour d'aujourd'hui, les pilotes ont réussi à redémarrer le réacteur. Et aucun avion ne s'est crashé aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à cause des cendres volcaniques. Est-ce qu'il y a des nouveaux instruments dans les 5 ans ou les 10 ans qui viennent que vous allez encore plus perfectionner pour améliorer, on pourrait dire, ce genre de prévision? Alors, d'un point de vue purement technologique, en parlant du spatial, là on utilise le satellite MSG10, donc Meteosat 10, donc c'est un Meteosat de deuxième génération, c'est le même qui est utilisé pour faire la météo. D'ici quelques années, il y a Meteosat de troisième génération qui va arriver. Et là, pour faire simple, là où on va vraiment gagner, c'est dans la résolution temporelle. On ne sera pas à une image toutes les 15 minutes, mais une image toutes les 5 minutes. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment apprécier sur l'image et sur les séries temporelles l'évolution du processus. Et on sera beaucoup plus réactif dès qu'il y aura une éruption. C'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est d'être réactif. Un séisme de magnitude 5,1 a frappé mardi la capitale de l'Équateur, Quito. Deux personnes ont été tuées. Il s'agit d'ouvriers qui travaillaient dans une carrière située aux alentours de la capitale. Au moins 8 personnes ont également été blessées et 4 autres étaient mercredi toujours prisonniers des décombres. Parmi les blessés, certains ont été victimes de nombreuses chutes de pierres. Selon l'Observatoire américain de géologie, l'épicentre du séisme se situe à 23 km de Quito et 7 km de profondeur. Fabien Molina, vous êtes directeur de recherche à l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies du transport, de l'aménagement et des réseaux. Votre spécialité, c'est les analyses des aléas sismiques, la prédiction empirique des mouvements du sol. Vous venez d'Équateur, est-ce que vous pourriez me parler d'un cas précis sur lequel vous avez fait des prédictions, des aléas, et qui ont servi à qui? Bon, la première chose que j'aimerais parler, c'est qu'est-ce que c'est le concept d'aléa et la différence par rapport aux risques. Parce que normalement, les gens confondent les risques avec l'aléa. Donc l'aléa, ça veut dire, c'est lié au phénomène physique qui produit quelque chose que l'être humain va être confronté. Donc par exemple, quand on parle de l'aléa sismique, c'est pas le séisme lui-même, c'est pas non plus de connaître une faille. L'aléa sismique, c'est le mouvement du sol qu'on va sentir. Quand on parle, par exemple, de se protéger de l'aléa sismique, et pourquoi c'est important de connaître l'aléa sismique, c'est pour protéger du mouvement sismique. Donc, le calcul de l'aléa sismique, c'est calculer quel est le mouvement sismique qui va avoir lieu, produit par une faille, à une distance donnée, et dans une situation particulière de l'effet qui s'appelle l'effet de site, que c'est juste l'effet de la géologie locale sur le mouvement sismique. Le risque, par contre, tient compte de l'aléa, mais surtout l'exposition des structures et des gens qui habitent dans un certain endroit. Donc on pourrait avoir par exemple des sites où l'aléa est très grande, mais le risque est nul parce qu'il n'y a personne qui habite là-bas. Par contre, aussi on pourrait avoir des endroits où l'aléa est très faible ou modéré, cependant le risque est très très grand parce que les enjeux sont très très forts aussi. Au croisement entre l'aléa et les risques dans votre pays d'origine, oui. Ça donne quoi par exemple? En Équateur, c'est un pays qui a une grande croissance démographique et aussi une croissance économique assez importante après le pétrole. Donc l'effet, c'est comme partout dans le monde, les gens qui travaillaient avant dans les champs, ils sont venus habiter aux villes. Et les villes, normalement, en fait, c'est pas il n'y a pas une planification urbaine réglementée. Bah, peut-être il y a, c'est après les coups. Normalement, c'est les gens qui viennent, disent bon, on va s'installer ici, c'est très bien. Et plus on est, après, on fait la demande au gouvernement local pour régler les choses de l'eau potable, l'électricité, etc. Donc ça s'appelle les bidonvilles. Donc malheureusement, ce type de les gens qui habitent là-bas sont des constructions faites maisons faites par des gens sans des études. Et donc ça produit une vulnérabilité assez forte. Donc la connaissance justement de l'ALIA en Équateur permet de regarder quelles sont les possibilités ou les probabilités du risque qui commence à grandir dans un endroit où, par exemple, Quito, dans les années 70, il y avait 300 000 personnes et maintenant on parle de 4 millions de personnes. Et en Équateur aussi, c'est super intéressant d'un point de vue sismologique et volcanique parce que c'est un endroit de subduction, donc les séismes sont assez grands, comme vous pouvez connaître dans les zones de subduction. Donc on a en 1906, par exemple, une magnitude 8,5, mais qui n'est pas très connue parce que c'était la même année qu'il y a eu les séismes de San Francisco. Le séisme de 1906, il a fait beaucoup de victimes? Pas beaucoup, parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant de population. Mais maintenant, c'est très, très important parce que, par exemple, la raffinerie de pétrole est localisée dans l'endroit épicentral. La ville de Quito est aussi particulière. La subduction est localisée à 400 km de distance, mais la ville est localisée sur une faille, justement au-dessus de la ville. Et il y a un remplissage assez important de sédiments qui pourrait amplifier les mouvements sismiques. Et de plus, on a un volcan actif à côté, à 10 km. Donc on a la totale. Et avec une croissance assez importante, comme j'ai dit auparavant, sur la ville, et surtout qu'il n'y a pas une planification urbaine. Alors concrètement, on a compris l'état des lieux. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites et avec qui vous parlez? Est-ce que vous allez voir le maire de Quito? Et si la banlieue, c'est des bidonvilles, est-ce que vous allez voir les représentants des bidonvilles ou vous vous promenez, je ne sais pas, avec une carte pour expliquer à ces gens qui se sont installés là que ça, c'est potentiellement risqué? Pour ce qui concerne à Quito en particulier, nous avons eu déjà des études à partir de 1992 sur ce que s'appelle le zonage de la ville vis-à-vis des séismes. Donc ça veut dire, par exemple, quelles zones ou quels secteurs dans la ville sont plus exposés à de certains aléas concernant ou périlosités concernant les séismes. Donc nous travaillons pour étudier quelles sont les conditions de site, quels sont les types de sols que nous avons là-bas, si sont des sols mous, si sont des sols plus rigides, en sachant que les sols mous vont amplifier plus les ondes sismiques et les sols rigides moins. Et aussi, nous avons installé des capteurs sur des bâtiments pour regarder quelle est la réaction des bâtiments vis-à-vis des ondes sismiques qui arrivent à la ville. Une fois qu'on connaît ça, on pourrait avoir une espèce de réglementation et qui va servir pour communiquer aux citoyens où vous êtes localisé par rapport au niveau de aléa et de risque. Donc on est en cours de faire ça, mais c'est un peu loin d'être fini. Une chose qui nous manque, par exemple, la différence de mentalité par rapport à un Japonais, où on a le même type de séisme, de sismicité, parce qu'on est dans le même contexte sismotectonique, mais la façon d'être d'un latino-américain par rapport à un japonais, c'est pas la même chose. Donc c'est très difficile d'avoir une discipline pour pouvoir faire des exercices sismiques, par exemple, mais il faut. Donc le séisme attendu à Quito, Équateur, votre ville de naissance, ça serait un séisme culturel, c'est-à-dire que tout le monde prenne conscience qu'il y a un danger? Moi, je serais ravi, par exemple, que si les gens sont conscients de qu'on vit dans un endroit dangereux, non, et qu'on a choisi à vivre là-bas, et si c'est joli, c'est beau, il y a les montagnes, il y a les plages, etc., c'est à cause de la tectonique, non. Donc, il faut s'adapter à ça. Et je pense que maintenant, on commence à comprendre que nous devons adapter à la nature et pas la nature à nous. Et ça, c'est une chose qu'on doit changer. Donc, c'est vrai que c'est un séisme culturel, mais en même temps, il faut avoir un séisme scientifique et politique, parce que si c'est culturel et politique en même temps, ça va aller quelque part plus loin. Vous avez un fichier sur votre sur le bureau de votre ordinateur, Fabien Bonina, qu'est-ce que c'est ? Ok, donc ici, c'est quelqu'un qui a pris les catalogues sismiques entre 1993 et 2013. Et chaque séisme est représenté par un son. Donc le séisme, c'est en fonction de la magnitude. Le plus grave, c'est le plus grand, et le plus aigu, c'est le plus petit. Et voici le son, en fait, c'est la pluie des séismes. Donc, juste par les sons les plus aigus, ça veut dire que les séismes les plus petits sont plus fréquents. Et par contre, les sons les plus graves sont les moins fréquents, c'est les séismes plus grands. On entend bien donc ce son qui a un titre, Séismodome, qui est donc la rencontre entre un astrophysicien et un artiste. Oui. C'est un petit quartier avec des maisons en pierre d'un autre âge, dévastées par un séisme inattendu. La commune du Teil dans l'Ardèche est la plus touchée. Ici, des toitures arrachées, là, des fissures sur de nombreuses façades. En ce jour férié, de nombreux habitants étaient chez eux ce matin. 11 novembre dernier, Ardèche, séisme d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter, avec comme conséquence directe l'arrêt des réacteurs de la centrale de Cruas en Ardèche, et ce communiqué très rassurant de l'EDF qui dit « Le risque sismique a été pris en compte dès leur conception pour l'ensemble de nos centrales nucléaires en fonction de l'historique des séismes observés dans les régions d'implantation de nos installations. » Est-ce que ce communiqué se fonde sur votre travail, Stéphane Bèze, au sein de l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, l'IRSN ? Alors c'est effectivement des conceptions de sites qui sont basées sur la sismicité historique, donc qui est enregistrée dans les archives historiques. Et il y a des gens, des historiens qui travaillent avec des sismologues et qui récoltent ce genre de données et qui ont constitué une base de données publique, en ligne disponible. Et voilà, les mouvements sismiques après qu'on peut attendre sur le site de Cruas sont établis en fonction de ces séismes-là qui sont répertoriés. Le premier séisme dans la région, c'était le 8 août 1873, magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter. Et l'épicentre s'est situé à 13 km de la centrale nucléaire de Tricastin. Alors évidemment, elle n'était pas à l'origine, mais est-ce que ce premier séisme du 8 août 1873, c'est la base d'une étude historique ? C'est effectivement, il y en a même des plus anciens dans la même région. Donc on peut appeler ça un essaim sismique connu et répertorié. Je crois que c'est depuis. Les archives vont pas plus loin en arrière que 1500 et quelques. Et donc, effectivement, il y a eu ces séismes-là qui sont à la base des estimations d'aléas et qui servent ensuite pour dimensionner les centrales nucléaires. Alors Stéphane Bèze, vous êtes donc géologue à l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mais ce n'est pas vous qui parlez, vous transmettez vos notes à l'autorité de sûreté nucléaire qui rassure, on va dire, la population. C'est bien comme ça que ça marche ? Effectivement, nous, on est en appui technique, donc scientifique de l'autorité de sûreté nucléaire qui émet des demandes, qui récolte les dossiers des exploitants, qui sont examinés par nous, les scientifiques, qui rendons un avis à un comité d'experts qui lui-même retransmet l'état des lieux à l'autorité de sûreté nucléaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, question ouverte sur l'échelle de Richter de la compréhension, on va dire, Stéphane Bèze. Ce séisme est dû à la sismicité locale ou est-ce que c'est un séisme provoqué par une activité industrielle, c'est-à-dire par la carrière des cimentiers Lafarge? Il y a quelque chose d'assez troublant, on peut dire, c'est que le séisme s'est produit s'est initié sous la carrière de Lafarge, qui est une grosse carrière. Ceci étant dit, là, c'est des hypothèses que ce qu'ont lancé des scientifiques qui sont tout à fait valides, parce que c'est connu, il y a des fois des choses comme ça qui se produisent. Là, pour l'instant, on n'a pas encore les éléments pour se prononcer dans un sens ou dans l'autre. Et de toute façon, le séisme, il s'est produit parce que il y avait ce qu'on appelle un chargement autour de la faille qui, un jour ou l'autre, a produit le séisme. Le 11 novembre 2019, séisme magnitude 5,4 en Ardèche. Vous, Stéphane Bèze, géologue à l'IRSN, vous allez sur place quand et vous faites quoi? Moi, je suis allé le surlendemain du séisme pour faire des relevés géologiques. Avec quoi? Avec mes instruments de géologue, un marteau, une boussole, et puis des petits instruments pas très impressionnants, mais surtout on a pu profiter d'outils très nouveaux qui sont liés à des données satellitaires. Et par chance, on a eu une image radar juste avant et une juste après. Et en faisant la différence entre les deux images, les géodésiens, dont certains travaillent ici, à l'IPGP, hein, les gens qui analysent, on appelle ça l'INSAR, ont pu cartographier la zone où il y a eu un déplacement important en surface lié à ce séisme. Et ce déplacement, il s'est localisé le long d'une structure très linéaire, une faille. Et donc, il y avait de très forts soupçons que cette faille soit arrivée jusqu'en surface, et c'est ce qu'on est allé faire deux jours après. Et là, je suis sur le trajet pour y aller de nouveau. Et donc, on mesure les déplacements qui se produisent pendant ces séismes-là. Le séisme, c'est quelque chose qui est généré en profondeur, qui remonte, qui n'est pas sur une faille. La déformation qui est une cassure sur cette faille remonte parfois jusqu'à la surface. Et on voit en surface une cassure de la surface topographique du sol. Et je vous avais amené un petit exemple, on a la radio, donc c'est difficile. Mais ce qu'on voit ici, c'est un sentier, par exemple, qui était plat. Et ce que vous voyez ici, c'est un ressaut. Alors, il est faible, mais il fait une grosse dizaine de centimètres de hauteur. Et ça, c'est lié à la faille qui arrive juste à la surface. Donc ça, vous êtes capable de le lire? Alors, l'œil nu quand vous vous baladez dans le coin, parce que vous êtes géologue spécialiste de ça. On a un peu d'expérience, et puis comme je vous disais en introduction, on est aidé par des images satellitaires. Donc j'en ai amené une petite image aussi. Une image satellitaire, ça se présente comme ça, donc c'est une image avec des belles couleurs, et ce que ça nous montre, c'est qu'il y a un bloc qui monte et un autre qui se soulève, et on voit à peu près la localisation de là où ça se passe. Donc après, le tout est de jalonner tous ces espaces pour voir si on peut repérer cette fracture. Et là, il y en a des exemples un peu plus jolis, plus faciles à lire parce que c'est sur une route asphaltée. Alors vous voyez que la petite marche, elle est très faible, hein, mais ça se voit très bien sur le terrain quand on se promène. Parfois, c'est beaucoup plus gros. Quand le séisme est plus gros, magnitude 6, on peut aller jusqu'à 50 cm, 30 cm. Là, on arrive à un type d'image de film catastrophe. Non, parce que si vous entendez que film catastrophe par l'écartement et les voitures qui tombent dedans, c'est pas tout à fait ça quand même. On n'est pas à Los Angeles. Non, c'est pas Los Angeles. Et même à Los Angeles, c'est pas comme ça que ça se manifeste. Plus de peur que de mal, donc, pendant le dernier séisme, là, en 11 novembre 2019. Je voudrais quand même reciter le EDF et aussi l'Agence de sûreté nucléaire qui, le 27 septembre 2017, a ordonné à EDF d'arrêter provisoirement la centrale nucléaire de Tricastin en raison d'un risque de rupture d'une portion de la digue du canal du Rhône en cas de séisme violent. 25 juin 2019, l'Agence de sûreté nucléaire a de nouveau demandé un renforcement complémentaire de la digue du canal de Donzère-Mondragon et une surveillance accrue. EDF doit effectuer des travaux au plus tard en 2022. Donc depuis 5 ans, l'Agence de sûreté nucléaire demande à EDF de faire des travaux parce qu'ils ont peur de quoi? D'un effet, entre guillemets, Fukushima, d'une rupture de digue qui ferait qu'une partie de la vallée parte sous les flots? ou, deuxième hypothèse, que le réacteur de Tricastin soit noyé par des flots et que donc on a un effet Fukushima, radioactivité plus dans la région. Je pense que le risque est effectivement de ce phénomène, c'est qu'un séisme provoque une rupture partielle de la digue qui est juste en amont du site de Tricastin et qui est une inondation du site. Effectivement, c'est ça l'enjeu derrière. Et il faut savoir que entre les études d'Aléa comme on mène nous et l'engagement des travaux et leur réalisation, c'est des durées assez qui se comptent en années. C'est pas, il ne faut pas être surpris par la durée que vous évoquez de 5 ans. Mais est-ce que, cas d'école, vos études pourraient amener à fermer une centrale ? Ça peut amener, ça a amené à des modifications, à des demandes de travaux, hein, comme ce que vous évoquiez sur les digues. C'est que avant que ça arrive jusqu'à une demande de l'ASN pour AEDF, hein, c'est parce qu'ils ont utilisé nos estimations d'aléas pour dire qu'il y avait potentiellement un danger. Donc c'est ça, en fait, le processus, c'est que on est saisi sur une question, on donne notre avis et l'ASN émet une demande, une recommandation ou un ordre de travaux aux exploitants. Stéphane Best, très concrètement, pour la population concernée par ce séisme, donc magnitude modérée, mais il y a eu quelques dégâts, est-ce qu'il y a des gens qui ont bougé et qu'est-ce qui se passe dans la région ? Le séisme qui vient de se produire est un séisme fort pour la région. Ah oui, il y a des dégâts, oui, il y a des dégâts. On a des intensités probablement significatives. Alors, vous avez prononcé le mot intensité, Stéphane Bèze, et donc ça, c'est une échelle qui s'appelle l'échelle de Mercalli qui la mesure, et elle est chiffrée de 1 à 12. Est-ce qu'on a l'intensité sur l'échelle de Mercalli sur ce séisme ? Il est probable qu'on arrive au moins à 7, hein, d'intensité. C'est un comptage statistique, en fait, du nombre de bâtiments abîmés, très abîmés, moins abîmés, à l'échelle de la commune. Donc après, on sort une intensité par commune ou par zone. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes responsable de l'équipe tectonique ici à l'IPGP, l'Institut de physique du globe de Paris. Après le séisme du 11 novembre dans la Drôme, vous avez dit cette phrase « La tectonique des plaques se traduit d'un seul coup en France aussi ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la surface de la Terre se transforme, parce que la tectonique des plaques, on l'a appris, il y a des plaques qui bougent sur la surface, mais ça nous paraît toujours quelque chose de très éloigné. Et là, on est rappelé à la réalité parce qu'on a un tremblement de terre en France dont on peut discuter les détails de la cause, mais quand même, c'est sur ce qu'on appelle une faille, donc un accident géologique, donc c'est la tectonique des plaques. Cette tectonique des plaques, entre le 1er janvier 2000 et le 12 novembre 2019, le commissariat à l'énergie atomique dit qu'elle représente une activité de 756 séismes. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu ? En fait, justement, ça nous montre que, bien que notre perception soit très modérée, on se rend pas compte qu'il y a des tremblements de terre en France. En fait, il y en a tout le temps. La terre se déforme, réagit à un tas de sollicitations, que ce soit la tectonique des plaques, mais aussi les variations de la pression atmosphérique. Enfin, il y a des tas de sources qui déforment la croûte terrestre sur laquelle on marche tous les jours et qui génèrent ces petits séismes. La plupart, on s'en rend pas compte. La sismologie, au sens large, ça a un peu plus d'un siècle aujourd'hui. Donc ça fait quand même pas très longtemps qu'on regarde les tremblements de terre. Ça fait encore moins longtemps probablement qu'on comprend ce que sont la connexion entre la géologie et les tremblements de terre. Hein, parce qu'il faut se rappeler que justement la tectonique des plaques, c'est une théorie des années 70. Donc ça a tout juste 50 ans. Et donc on est encore dans une phase d'observation. Globalement, on le dit, en France, on a très peu de séismes, même à l'échelle de la planète, des magnitudes 8, on en a tous les quelques années, des magnitudes 7, plusieurs par an, mais pas massivement. Ça ne fait pas beaucoup de données pour observer, comprendre et donc s'intéresser à la physique des processus, finalement. Jan Kleger, il y a environ 100 000 séismes par an dans le monde entier. Ce n'est pas assez pour nourrir les études des sismologues japonais, équatoriens ou français. Vous avez beaucoup de tout petits séismes. Soit ils sont trop petits pour qu'on les ait enregistrés suffisamment, soit vous avez plein de séismes qui ont lieu en mer. Encore une fois, on peut les localiser, on sait où ils sont, mais on n'a pas l'observation, la donnée vraiment pour travailler sur la physique du processus. Parlons instruments de mesure, sismomètre, bien connu du grand public. Il y en a à peu près partout dans le globe. Et pareil, vous m'avez dit, on ne sait pas quoi mesurer. À quoi servent les sismomètres? Les sismomètres, ils mesurent le déplacement du sol sous l'instrument. Donc en fait, quand vous avez un tremblement de terre quelque part, la terre bouge et puis ça génère des ondes. C'est un peu comme quand vous parlez, vos lèvres bougent, mais vos oreilles, ce qu'elles entendent, c'est le front d'onde sonore. Bah, c'est exactement pareil sur la terre. Donc ça, on sait le mesurer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on mesure parce que le séisme s'est produit. Ça ne nous dit pas que le séisme va se produire. Donc ce qu'il faudrait, c'est pouvoir mesurer une grandeur physique, pouvoir la mesurer au cours du temps, et dire là, elle change, et ce changement nous indique qu'on s'approche d'un séisme. Mais ça, on ne sait pas quelle grandeur physique mesurer pour l'instant. Si vous regardez un piéton sur le trottoir, bah, vous voyez bien que si d'un seul coup, il avance le pied vers la rue, si vous êtes capable d'observer ça, vous savez qu'il va traverser. Donc vous faites une prédiction. Mais si vous voyez juste sa tête, vous ne savez pas quoi observer. Donc vous ne savez pas qu'il va traverser jusqu'au moment où il se met à traverser. Mais là, c'est trop tard parce qu'il se fait écraser. Et bien, c'est exactement pareil, le séisme. Pour l'instant, on en est à « Ah, ça y est, il se produit ». Mais on n'a pas l'observation juste avant qui nous indique qu'il va se passer quelque chose. Vos collègues vulcanologues ont été en émoi dernièrement par la naissance d'un volcan sous-marin. Est-ce que vous espérez, vous, dans votre vie active, vivre quelque chose de cet ordre-là au niveau d'un séisme ? Alors c'est toujours un petit peu difficile parce que mes collègues volcanologues là ont la chance de voir ce volcan naître, mais il est sous l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fait de victime, donc c'est finalement très confortable. Est-ce que moi, je souhaiterais voir un gros magnitude 8 en zone continentale? Ce serait sûrement très intéressant, mais il faudrait s'assurer que ça ne fasse pas de dégâts. Enfin, je serais très mal à l'aise si demain, l'Île-de-France est traversée par un gros séisme de magnitude 8, parce que la science risque de passer un petit peu à côté. Ceci dit, on travaille, nous, sur des événements comme ça. On a eu des magnitudes 8 continentaux, notamment en Mongolie au siècle dernier, donc qui sont très bien préservés. Pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller en Mongolie, c'est quand même assez désertique. Donc c'est des endroits où il n'y a pas de victimes. On a travaillé sur des gros séismes en 2001, dans le Tibet. Là aussi, il n'y a pas de victimes. Donc on a vu, on a eu la chance de voir ces gros séismes. Mais quand même, à chaque fois qu'on a des événements comme ça, ça peut vite être dramatique. Moi, je dis souvent en plaisantant, j'arrive toujours en retard, puisqu'on arrive toujours derrière le séisme, donc on est forcément dans un... Oui, il faut être humble, quoi. Après, découvrir ces grandes ruptures, ça reste vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hein, pour vous donner une idée, là, ces grands séismes dont on parlait il y a une minute en Mongolie ou en Chine, c'est des ruptures qui font 300-350 km de long, avec des déplacements moyens de plusieurs mètres. Tout ça, ça se passe en moins de 2 minutes. Donc vous pouvez essayer de comparer ces vitesses à la vitesse du TGV, par exemple. Le TGV se traîne à côté. Donc c'est quand même des forces incroyables qui sont mises en jeu. Et donc c'est des objets vraiment exceptionnels à regarder. Ouais. On veut bien un très gros séisme, mais dans un coin vraiment désert. Volcan et séisme, stupeur et tremblement, avec Carole Berthaud, post-doctorante au laboratoire Magma et Volcan de Clermont-Ferrand. Mathieu Gouillet, physicien associé au même laboratoire, et au LAMP, laboratoire de météorologie physique. Simon Thivet, doctorant dans le même laboratoire, Jan Kleger, chercheur à l'Institut de physique du globe de Paris, Stéphane Baize, géologue à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et Fabien Bonilla, directeur de recherche à l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Remerciements, Julien Monteux. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède.